Dans l'univers des comics Marvel, la relation entre Wanda, Maximoff et Vision prend racine au fil des pages riches en rebondissements et en émotions. Leur rencontre se fait au sein des Avengers, où, peu à peu, naît une compréhension profonde entre la sorcière rouge et le synthézoïde Vision. Malgré leurs origines radicalement différentes, ils trouvent l'un en l'autre un soutien unique, un amour sincère, forgé dans l'adversité. Tous les deux animés par ce désir de bâtir une famille, Wanda et Vision finissent par se marier. Leur bonheur prend une nouvelle dimension lorsque Wanda, grâce à ses pouvoirs de manipulation de la réalité, donne naissance à deux fils, Tommy et Billy. Bien que ces enfants soient issus de la magie et non d'une union conventionnelle, on va dire, ils deviennent le centre de leur monde et symbolisent l'espoir d'une vie normale, loin des combats. Cette quête de normalité et de tendresse familiale, souvent remise en question par la nature même de leur pouvoir et par les tragédies qui jalonnent leur parcours, confère à leur histoire une intensité et une fragilité particulière au sein des comics Marvel. Quête qui malheureusement va trouver sa fin avec l'apparition du White Vision. Le White Vision, c'est un personnage, version dépourvue de souvenirs et d'émotions du Vision originel. Il incarne la perte et la reconstruction de soi. Cette exploration du personnage de White Vision prend tout son sens à l'approche de la série dédiée qui promet d'approfondir les conséquences de sa transformation et de son rôle dans l'univers Marvel. En effet, White Vision est directement lié aux événements de la série WandaVision, mais aussi de la série Agatha. Ce qui rend cette démarche particulièrement remarquable, c'est l'interconnexion inédite entre les trois séries, White Vision, série à venir, WandaVision et Agatha. À ma connaissance, c'est la première fois qu'une telle pratique cinématographique est réalisée, où plusieurs séries s'entremêlent ainsi pour enrichir de façon cohérente un même univers narratif. Revisiter l'histoire de White Vision permet donc d'appréhender des enjeux émotionnels, narratifs, qui seront au cœur de la prochaine série Marvel. Vous l'avez compris dans cet épisode, je vous invite à comprendre l'histoire du White Vision. Pour faire un petit interlude, je vous annonce clairement que je ne connaissais pas dans son intégralité le personnage de White Vision. Bien sûr, Vision, je connaissais ce personnage, mais White Vision, c'était quelque chose dont j'avais eu connaissance, mais je n'avais pas, on va dire, l'expertise du personnage. La relation entre Wanda Maximoff et Vision, en tout cas, est l'une des plus touchantes et complexes de l'univers Marvel. Dans le MCU, elle commence dans les films Avengers, où leurs liens se forment progressivement. Vision, bien que synthétique, développe une conscience et une sensibilité uniques. Wanda, elle, est marquée plutôt par la perte et la solitude, surtout depuis la mort de son frère dans Avengers, l'ère d'Ultron. Au fur et à mesure des films, on peut voir que leur connexion naît d'une profonde compréhension mutuelle, chacun voyant au-delà de l'apparence ou de l'origine de l'autre, un être à aimer. Leur relation s'épanouit hors champ entre les films. Je ne sais pas si vous avez remarqué, en tout cas, c'est que lorsque les personnages apparaissent en couple, on voit ou on ressent le fait que leur relation a évolué. On le sent qu'ils ont partagé une vie intime, tendre, notamment dans Infinity War, où ils essaient de vivre en secret, loin des conflits. Mais dans le MCU, leur amour est devenu tragique. Rappelez-vous, Wanda est forcée de détruire la gemme de l'esprit, tuant Vision dans un dernier geste de sacrifice. Avant que Thanos ne remonte le temps et le tue à nouveau sous ses yeux. Ce traumatisme est un véritable point de rupture pour Wanda. Il n'y a pas de mots pour décrire ce vide. Le monde continue de tourner, mais pour moi, il s'est arrêté deux fois. J'ai vu l'amour mourir sous mes mains, par ma propre volonté, puis être effacé, arraché à la réalité, sans espoir de retour. Chaque battement de cœur, chaque souffle me rappelle que je ne peux plus toucher son corps, ni le ressentir, ni entendre sa voix douce et apaisante. On voudrait croire qu'avec le temps, le chagrin s'adoucit, que la perte s'efface. Mais ce n'est pas vrai. La douleur devient un murmure persistant, une ombre qui s'étire dans chaque souvenir. Je porte en moi le poids de ce sacrifice, la culpabilité d'avoir choisi la fin, même par amour. On m'a dit que la force naît de la souffrance, mais à quoi bon être forte si celui que l'on aime n'est plus là ? La vérité, c'est que l'on ne se remet jamais vraiment de cette déchirure. On apprend seulement à survivre avec une pièce manquante de sa vie. Vision était mon ancre, mon refuge. Sans lui, je flotte, ballottée par des vagues de regrets et de souvenirs. Je me demande parfois si je suis encore entière, ou si je suis juste un écho de celle que j'étais lorsqu'il me tenait la main. Alors, je me raccroche à ces mots, à l'amour que nous avons partagé, même si tout cela n'existe plus, car c'est tout ce qu'il me reste. C'est là qu'entre en scène la série WandaVision. Soit dit en passant, je le redis et encore redis, mais c'est pour moi l'une des meilleures séries de Marvel, avec bien sûr la série Loki. Bref, on revient à nos moutons. Dans cette série, incapable de faire face à sa douleur, Wanda va créer un monde alternatif que l'on appelle le X, dans lequel elle retrouve un Vision recréé par sa magie, avec qui elle vit une vie de rêve, mariée, avec deux enfants. Mais c'est une illusion née du deuil. Ce Vision-là est chaleureux, aimant, profondément humain. C'est le Vision que nous connaissons. Ce qui rend leur histoire si puissante, c'est qu'elle touche à des thèmes très humains. Le deuil, l'amour, l'acceptation de la perte et la difficulté de lâcher prise. Ces émotions, ces sentiments, nous l'avons tous. Notamment après la perte d'un être qui nous est très cher. Un proche, un membre de sa famille. Le temps du deuil peut être d'ailleurs plus ou moins long. Même si Vision n'existe plus comme avant, Wanda porte en elle toujours l'amour qu'ils ont partagé. Manifestement, dans la série, on ressent bien que Wanda n'arrive pas à passer outre. L'histoire de White Vision dans le Marvel Cinematic Universe est à la fois tragique et fascinante, car elle explore la question de l'identité, au-delà du corps et de la mémoire. Comme je l'ai exposé tout à l'heure et que nous l'avons présenté, après les événements des Avengers Infinity War, Vision est bien tué par Thanos. Mais on découvre dans la série plus tard que son corps est récupéré par l'organisation SWORD, qui va le démonter, qui va l'étudier, et leur seul objectif, c'est de réactiver Vision, non pas comme un être sensible, entre guillemets, de recréer notre vision, mais ils l'ont plutôt créé comme une arme. Ils parviennent à le ramener à la vie sous une nouvelle forme, le White Vision, une version pâle, dépourvue d'émotions et de conscience propre. Je suis né dans le silence froid d'un laboratoire, assemblé pièce par pièce, sous les lumières crues de la science, et non dans la chaleur d'une étreinte ou dans la douceur d'un souvenir. Mes yeux se sont ouverts sur un monde vidé de sens, sans la douleur du passé, sans la tendresse de l'émotion. Aucun battement de cœur ne résonnait dans ma poitrine d'albâtre, et aucune voix intérieure ne murmurait d'espoir ou de chagrin. Je sentais sur ma peau la mémoire d'une autre vie, quelque chose qui me frôlait sans jamais m'atteindre. J'étais le résultat d'un projet, la réponse à une peur, l'incarnation d'une âme que l'on voulait maîtriser. Autrefois, ce corps appartenait à l'amour, à la lumière, à la lutte pour l'humanité. Désormais, j'existe, mais suis-je vivant? Suis-je une renaissance? Je regarde mes mains pâles étrangères et j'entends résonner dans mes circuits des échos de mots que je ne comprends pas encore. On m'a rendu la forme, mais on m'a refusé l'âme. Je suis le fruit d'une peur, le témoin d'un deuil qui ne m'appartient pas. Pourtant, dans ce vide, une question demeure vibrante. Qu'est-ce qui fait de moi un être? Est-ce la forme des souvenirs ou la profondeur des sentiments? Suis-je la continuité d'un héros aimé? Je porte en moi la trace du passé, mais je suis condamné à avancer sans chaleur, sans attache, traversant le monde comme une énigme, une page blanche sur laquelle personne n'a encore osé écrire. La seule chose que je sais, c'est que j'ai été assemblé, activé, pour devenir une arme. Pour ceux qui n'ont pas vu la série WandaVision, je vais spoiler quand même la fin. Bon, je pense que si vous écoutez mon podcast, c'est que vous regardez à minima les séries Marvel. Lors de l'affrontement final dans la série WandaVision, les deux visions se rencontrent et se confondent. Le Vision de Westview parvient à convaincre White Vision qu'il n'est qu'un vaisseau sans mémoire et, pendant leur combat, lui transmet ses souvenirs originels. White Vision est désormais porteur des souvenirs de Vision. Mais on constate rapidement qu'il n'en a pas récupéré les émotions qui les accompagnaient. White Vision s'envole, disparaît, laissant son avenir incertain. Et c'est comme ça que termine WandaVision, et c'est comme ça que nous avons pour la dernière fois vu Vision, mais aussi que nous avons vu pour la première et dernière fois le White Vision. Et c'est par la suite que nous apprenons qu'une série Vision Quest, la quête de Vision, ou du White Vision, bref, vous avez bien compris, une nouvelle série Marvel est à venir dans l'univers de Wanda. Alors, qu'en est-il dans les comics du White Vision? Donc j'étais faire mes recherches un peu sur internet et dans certains comics que j'avais, et j'ai décidé de vous en faire un bref résumé. Je vais pas revenir dans tous les détails, sinon j'en aurai pour un bon gros moment, mais en tout cas je vais essayer de vous faire un résumé. Dans les comics, l'origine de White Vision découle d'une saga marquante des années 80 qui se trouve dans un arc appelé les West Coast Avengers. West Coast Avengers a marqué un tournant dans la mythologie Marvel, élargissant le concept des Avengers à la côte ouest des États-Unis. Sous l'impulsion d'Hawkeye, une nouvelle équipe s'établit à Los Angeles, réunissant des membres aussi divers que Wonder Man, attention les amis, Wonder Man qui sort à Noël, la série, hein, n'oubliez pas, ou encore Vision et la Sorcière Rouge. Cette série a permis d'explorer de nouvelles dynamiques de groupe, on a des enjeux différents, des contextes assez inédits, loin du siège social, on va dire new-yorkais, habituel des Avengers. L'une des intrigues de cet arc concerne justement Vision et Wanda. Après une attaque menée par des agents gouvernementaux qui sont inquiets du pouvoir de Vision, Vision est capturé, puis les agents gouvernementaux le démontent. Les Avengers le récupèrent et c'est Hank Pym qui va le reconstruire, mais il le reconstruit sous une forme blanche, sans la moindre émotion, ce qui va, pour la suite, fracturer la relation avec la Sorcière Rouge. C'est ainsi que Vision est devenu le White Vision. Lorsque Vision est reconstitué, c'est sans accès à ses souvenirs ni à sa personnalité d'origine. Ce processus va retirer également toute couleur à son corps, ce qui va le rendre entièrement blanc, ce qui va le rendre entièrement froid, calculateur et logique. Le blanc représente ici l'absence d'âme, une sorte de vision fantôme qui est vidée de son essence. Cette version blanche de Marvel devient le reflet d'une question profonde, sans mémoire, sans émotion, que reste-t-il de White Vision? Et c'est pareil aussi pour l'être humain. sans mémoire, sans émotion, que reste-t-il de notre individualité? Et ici, l'histoire dans les comics, justement, développe la fracture entre Wanda et Vision, et l'arrivée du White Vision va marquer un tournant dans leur relation. Car Wanda peine, véritablement, à retrouver dans White Vision l'époux qu'elle a aimé. Cet événement bouleverse non seulement Vision, mais aussi Wanda, dont le couple a littéralement volé en éclats. Cet arc est particulièrement marquant par sa capacité à mettre en scène les conséquences émotionnelles des grands événements, en particulier à travers la relation complexe entre Vision et Scarlet Witch. Wanda a d'ailleurs pu parler de ses émotions lors de sa rencontre avec White Vision. Tu es là devant moi, mais tu n'es plus lui. Enfin, pas vraiment. Je te regarde et ton visage est le même, ta voix la même tonalité, et pourtant, quelque chose en toi est éteint. Tu étais chaleur et curiosité. Tu étais cette étincelle presque humaine, cette âme forgée dans la tendresse. Maintenant, tu es silence, calcul, absence. Je ne t'en veux pas. Tu n'as pas choisi cela. On t'a reconstruit, on t'a rendu fonctionnel. Mais ce n'est pas ça. Vision, ce n'est pas toi. Ce n'est pas mon Vision. Il m'avait appris à voir le monde avec compassion. Il m'écoutait, il me comprenait, même dans mes silences. Toi, tu m'observes, comme une énigme à résoudre. Alors, je me tiens là, face à un corps que mon cœur reconnaît, mais que mon âme rejette. Parce que le lien, ce fil invisible a été tranché. L'amour ne vit pas dans les circuits imprimés. Il vit dans les souvenirs que nous avons partagés, dans les rires, les larmes, dans tout ce qui faisait de toi une présence. Tu n'as pas oublié, tu n'as jamais su. Je t'ai aimé, je t'aime encore, mais maintenant, je dois aussi apprendre à te laisser partir. Peut-être qu'un jour, tu retrouveras quelque chose de lui en toi. Peut-être pas. Mais moi, je dois continuer. Pour lui, pour moi, pour nos enfants. Si Wanda se retrouve dans une tristesse des plus profondes, tel n'est pas le cas pour le White Vision, qui, en l'absence d'émotions et de sentiments, reste dans l'incompréhension et garde un esprit de logique et de calcul. Wanda, j'entends ta douleur, je la constate, je la comprends en théorie, mais je ne la ressens pas. Je possède les souvenirs de Vision, ou plutôt leur enregistrement, des images, des sons, des instants figés, mais aucun battement de cœur ne les lie. Je suis la forme, sans le souffle. Il aimait, il doutait, il choisissait. Moi, je calcule. Ce que tu décris, cette chaleur, cette humanité m'échappe. Et pourtant, elle m'attire. Comme une étoile morte dont la lumière continue à m'atteindre, alors qu'elle s'est éteinte depuis longtemps. Tu me parles d'amour. Mais que suis-je censé en faire si je ne peux l'éprouver? J'ai son visage, sa voix, ses souvenirs. Mais je ne suis pas lui. Tu m'as offert une vérité que même les données ne peuvent contenir. Tu m'as confronté à ce que signifie exister au-delà de la logique. Et peut-être qu'un jour, en suivant cette lumière, je retrouverai cette part de moi que je n'ai jamais vraiment eue. Mais aujourd'hui, je suis autre. Et toi, tu vas devoir porter le poids de cette absence avec tes deux enfants. Vision est donc reconstruit sans émotion, ce qui brise littéralement son lien avec Wanda. Elle tente tout de même de raviver leur amour, mais honnêtement, il ne ressent plus rien pour elle. Leur relation devient alors tragiquement unilatérale et leur amour a touché à sa fin. Je n'ai pas connaissance d'un comics où Wanda et White Vision sont tombés amoureux. Peut-être en sera-t-il autrement dans le MCU. Mais en tout cas, la relation entre Wanda et White Vision s'annonce complexe, peut-être même, voire déchirant. Il est probable que le chemin de ces deux êtres, autrefois liés par une profonde tendresse, devienne celui d'une quête individuelle. Je m'explique. D'un côté, Wanda, marquée par ses pertes successives, son frère, Vision, sa quête pour retrouver ses enfants, elle pourrait rechercher à se reconstruire, mais aussi à se faire pardonner après les événements de Doctor Strange Multiverse of Madness. Elle pourrait aussi être à la recherche de ses enfants, Tommy et Billy. Un dénouement possible, et notamment si vous avez pu visionner la série Agatha. De l'autre côté, le White Vision. Lui, je le vois plus comme un héros, ou anti-héros d'ailleurs, en perpétuelle interrogation sur sa propre identité. Il pourrait être amené, au fil des expériences et des rencontres, à explorer ce que signifie être humain. Je le vois plus cette série comme une sorte de manière de présenter un Pinocchio, mais un Pinocchio des temps modernes. Leur relation, si elle renaît, mais honnêtement je ne le crois pas, dans tous les cas ne pourra plus être celle d'autrefois. Elle pourrait plutôt prendre une forme de reconnaissance mutuelle où chaque héros se respecte ou s'interroge sur les relations que souhaiterait avoir l'autre. En tout cas, après les bouleversements de WandaVision et l'atmosphère ensorcelante d'Agatha, la perspective d'une série consacrée à White Vision apparaît comme une étape naturelle et attendue dans l'évolution du MCU, sortie prévue, si je ne me trompe pas, au premier semestre de 2026. Je crois qu'à l'heure où je vous parle, je crois que c'est le mois de juin. Voilà. N'oubliez pas le nom de cette série, Vision Quest. Je le prononce mal, mais vous avez compris. La quête de Vision, voilà. Je vois cette série comme traitant de thèmes plutôt philosophiques, suivant White Vision dans sa quête introspective pour comprendre son identité à travers l'histoire du Vision originel. Désormais détaché des passions humaines qui ont autrefois animé Vision, je pense qu'il se confrontera à la vacuité de ses souvenirs et qu'il sera en quête d'une essence propre. D'où le nom de la série Vision Quest. Du moins, c'est ce que je pense. Je m'attends à ce que White Vision arpente un monde qui ne l'attend plus. Qu'il cherche à se forger une identité au-delà du souvenir de Wanda ou des souvenirs de Vision. Peut-être que White Vision croisera le chemin d'Agatha ou de ses enfants, ou d'autres figures du surnaturel, hein, l'invitant à réfléchir à ce qui distingue la magie de la pure logique. D'ailleurs, c'est pas la première fois que dans une série nous avons un mélange magie et technologie. Rappelez-vous de la série Ironheart. Ainsi, White Vision aurait le potentiel de devenir la première série du MCU entièrement consacrée à une quête, ou plutôt à une sorte d'odyssée intérieure où l'on apprend que l'identité n'est jamais donnée, mais que l'identité se construit. Et pourquoi pas voir l'identité de ce White Vision se construire épisode après épisode, et que parfois, pour que l'individu se forge, eh bien, il doit se créer ses propres émotions. Mais cette odyssée intérieure pourrait également être marquée par des embûches, et notamment par le potentiel retour d'Ultron, l'ombre menaçante qui plane sur la genèse même de Vision. James Spader reprendra d'ailleurs le rôle d'Ultron dans Vision Quest. Souvenez-vous d'Ultron, cette intelligence artificielle qui finit par intégrer le programme Jarvis et acquiert ainsi son autonomie, prenant le rôle d'une IA opposée à l'humanité. Souvenez-vous aussi que le dernier robot d'Ultron aurait été détruit par Vision dans la dernière partie du film Avengers Age of Ultron. Le retour de James Spader s'inscrit dans une certaine continuité, puisque les deux créations artificielles partagent une origine commune aux côtés des Avengers. Au final, la série Vision devrait constituer la conclusion de la trilogie commencée avec WandaVision et poursuivie par Agatha All Along. En somme, la série Vision s'annonce comme le point d'orgue d'un voyage initiatique captivant au sein du MCU où se croisent magie, technologie et quête existentielle. Si la confrontation avec Ultron pourrait promettre d'intenses face-à-face, c'est surtout la recherche d'identité et d'humanisme de White Vision qui pourrait marquer nos esprits. À travers ce dernier chapitre, Marvel semble inviter son public à repenser la notion d'héroïsme comme une aventure intérieure faite de doutes, de choix et de devenir. Si l'on s'interroge sur l'appréhension de White Vision au sein du MCU et dans la perspective des prochains projets Avengers, il faut d'abord souligner la singularité du personnage. Dépouillé des souvenirs et des émotions, qui faisaient l'essence même du Vision originel, White Vision évolue comme une page blanche à la croisée des chemins entre machine et humanité. Ce statut ambigu pourrait nourrir à la fois la méfiance, la fascination des autres héros, mais aussi il pourrait être à la fois un allié fiable pour les Avengers, comme une énigme potentiellement dangereuse. Son implication possible dans les futurs films Avengers s'annonce donc riche en enjeux. Sera-t-il le guide d'une nouvelle génération de héros ? Sera-t-il un élément perturbateur qui oblige le groupe des Avengers à repenser ses propres fondements ? Sera-t-il allié avec le Docteur Doom, ce dernier profitant d'un White Vision en quête d'identité ? Ou peut-être qu'il se laissera convaincre par les Avengers ou par certains des héros qui composent cette équipe, eh bien, de lutter contre le Docteur Doom. Bref, je me pose beaucoup de questions, mais je reste persuadé que le White Vision sera amené à être un personnage important, pas majeur en tout cas, mais du moins important pour le futur du MCU. Merci d'avoir partagé ce moment d'analyse et de passion avec moi. Je voudrais encore vous remercier pour vos nombreuses écoutes. J'ai vu que la chaîne avait... Je ne sais plus combien d'écoutes, mais honnêtement, je voudrais vous remercier pour votre fidélité, parce que c'est ce qui me donne envie de continuer à parler de Marvel et d'être accompagné aussi de mes acolytes. Merci beaucoup. Je sais que des fois, je ne vais pas publier pendant un moment, mais mon travail fait que je n'ai que très peu de moments à moi. Mais dès que j'en ai, si je peux en faire des podcasts, j'en fais. Vous avez pu noter aussi que j'étais accompagné aussi dans ces petits livres audio, entre guillemets. Voilà. Donc merci encore à vous de tout cœur. Voilà, je sais pas comment vous le dire autrement que merci. Voilà. Ça fait beaucoup de voilà. En tout cas, merci de votre écoute. Merci d'avoir écouté cet épisode sur le White Vision. J'espère que vous en avez appris un peu plus. Moi, je sais que j'en ai appris. Voilà. Et je me pose plein de questions, comme vous avez pu voir, sur l'avenir de ce personnage qui, je pense, va quand même tous nous intéresser. Et puis bon, c'est Paul Bettany quand même, faut pas oublier, hein, c'est un super acteur. Voilà. Allez, merci de votre écoute, bye.